Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et cette semaine, je serai accompagné encore une fois par mon ami, collègue et, ma foi, maintenant grand amateur de Formule E, mon ami Marc Bouchard. Salut Marc. On va en reparler, là. Oui, non, c'est correct. Non, je fais bien des blagues, là, mais effectivement... Je dois dire et faire confesser que j'ai été agréablement impressionné de tout cet événement. On en reparlera tantôt. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite parce que là, c'est le moment. Effectivement, j'ai dit que j'avais aimé l'événement. On va, comme je dis, expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais dès le départ, sur Facebook, il y a des gens qui ont commencé à me tomber d'en face en disant « Ah, c'est-tu le même gars qui était contre les autos électriques? » C'est deux choses bien différentes. Un jour, ces gens comprendront. Je trouve ça juste épouvantable et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai beaucoup de difficultés avec certains électromobilistes. Il y a des gens pleins de jugement. Martin Archambault qui travaille avec nous, c'est un gars génial, c'est un gars qui comprend les considérations, qui est extrêmement favorable aux véhicules électriques, mais qui comprend les considérations. Même un gars comme Daniel Breton, que l'on aime, que l'on n'aime pas, que l'on soit d'accord ou pas, quand j'ai des discussions avec lui, on a des discussions éclairées, des discussions intéressantes. Je suis tanné de me faire troller par des gens qui, parce qu'ils sont capables de faire 200 km avec le char électrique, ont l'impression qu'ils viennent de réinventer la roue, puis que tous ceux qui osent semer le moindre doute quant à l'acceptabilité éventuelle d'un véhicule électrique deviennent des vrais plaies d'Égypte. J'en ai ma claque de ce genre de gens-là. Ouais. C'est exactement ces personnes-là qui font que les voitures électriques ne sont pas acceptées par tout le monde. Parce que moi, des maniaques de même qui trippent, ça fait exactement le contraire. Ça me donne envie d'aller voir ailleurs. Ouais, mais voilà. Faut dire aussi qu'il y a la même chose de l'autre côté, hein. Des gens qui disent « Ah, tes courses de toaster, tu sais, moi j'aime autant oui, non, un je te vrai parle, je te char parle à gaz, tu sais. » Attends, là. Je te parle pas de Formule E, là. Non. Je te parle pas de Formule 1. Je te parle vraiment de véhicules électriques standards. Et on s'entend pour dire que le problème, en fait, c'est que quand tu as des super maniaques qui crient au loup à toutes les fois que tu dis quelque chose, Ouais. Le problème, c'est que tu génères exactement la réaction inverse. Écoute, c'était vraiment, là, ça en est pathétique. Il y a un gars, entre autres, sur Facebook, là, qui arrête pas de m'écœurer. Et honnêtement, je trouve ça pathétique, ce genre d'attitude-là. C'est minimaliste, c'est des gens qui n'ont aucune vision et qui s'imaginent qu'ils ont la science infuse parce qu'ils ont été capables de se rendre aux mains avec le char électrique. Je vous enverrai une copie d'un article qui a été publié dans un journal communautaire qu'il y a ici dans la région où je demeure, où la fille nous explique en long et en large pourquoi maintenant c'est possible et c'est facile de rouler en voiture électrique parce que tu as des applications comme PlugShare qui te permettent d'appeler des voisins pour aller te brancher chez eux. Garde, je m'excuse, là, moi j'appelle pas ça facile. Je trouve que c'est innocent comme démarche. Alors ces gens-là qui passent le temps à attaquer les autres parce qu'ils parlent de voiture à essence, à un moment donné, respirer par le nez, j'en ai ma claque. Mais, ceci étant dit, Oui. je ne suis absolument pas contre les voitures électriques et je persiste et signe en disant qu'elles font partie d'une solution globale et qu'elles sont indispensables, mais que dans leur format actuel, elles ne répondent pas à toutes les demandes. Non, voilà, ça c'est je clair. Vais aller prendre mon premier café du matin, je pense que je suis dû. C'est bon. Non, c'est clair que c'est pas pour tout le monde, mais tu parles de gens qui te tapent dessus pour le fait que tu t'affiches pas comme étant... Un grand amant de la voiture électrique et sur le bord de t'en acheter une. Tu sais, t'as des réserves, puis c'est correct. Puis c'est des réserves qui sont aussi logiques, là, je veux dire. Tu sais, j'en ai une voiture électrique, je sais comment ça marche. Là. Fait oui. Que je le sais qu'il y a des limitations. Puis je le sais que si je vais aller chez mon père à Mirabel, il va falloir que je me recharge avant de m'en revenir. Puis c'est pas toujours évident. Puis tu sais, mais faut que tu fasses des concessions. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ces concessions-là. Moi, je suis prêt à le faire, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Mais des ayatollahs, il y en a des deux bords. Parce que il y a du monde qui vont déféquer ces voitures électriques en sachant absolument pas de quoi qu'ils parlent non plus. Non, c'est sûr, mais écoute, on va s'entendre que moi, je pense que sur le nombre d'utilisateurs de voitures à essence, il y a pas mal moins d'agression à l'égard des voitures électriques que le contraire. Ouais, c'est sûr qu'il y a un nombre moins. Tu as 14 000 autos électriques au Québec, tu as l'impression qu'ils sont 250 millions à les entendre chioler, là. Ouais. Mais c'est toujours, les mêmes. C'est à peu près toujours. Oui, c'est toujours les mêmes. Puis, tu sais, t'as ceux qui pensent que Elon Musk est le nouveau Messie puis qu'on devrait lui donner tous les prix Nobel réunis. Hey, à un moment donné, on va se calmer. Là. Elon Musk, il l'a présenté, sa Model 3 la semaine passée. Là. Mm-hmm. Il va finalement avoir un peu moins de production de prévu. Il va finalement proposer la première à 45 000 US. OK, on va se calmer les hormones avec le 35 000, là. C'est 45 000 US à part les options, celles qu'il a présentées la semaine passée. Elle ne sera pas commercialisée au Canada avant au moins 2018. Fait que, tu sais, le Messie Elon Musk, là, il est en train de passer au troisième rang solide, puis il est en train de se faire passer par les autres compagnies. Fait qu'à un moment donné, il faut regarder la réalité en face aussi. Il faut dire, oui, c'est important les voitures électriques, ça fait partie de la solution les voitures électriques, mais arrêtons de cracher sur tout ce qu'il y a autour, parce que malheureusement, ça fait encore partie de la vie. Puis honnêtement, je persiste et signe avec les voitures à hydrogène. Je le sais que du point de vue écologique, du point de vue technologique, c'est probablement moins propre, mais ça facilite tellement l'adoption que si on en avait plus, on serait peut-être moins sué avec les électromobilistes qui essaient de faire des campagnes sur le dos de tout le monde. Bref, voilà. C'est bon. Donc, Marc. Excuse-moi, c'était pas dans ton plan d'émission, ça. Non, je m'excuse. C'était pas marqué sur ma feuille Blaster l'univers de la voiture électrique. Non. Attention, je ne blaste pas l'univers de la voiture électrique. Je répète, des gens comme Martin Archambault avec qui on collabore, j'aime ce gars-là parce qu'il est. Des fois, il passe des chires, là. On s'entend. Toi aussi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on sait qu'on est capable d'avoir une discussion éclairée et qu'on ne le fait pas dans le vide. Puis il est capable de comprendre qu'il y a des réalités pour tout le monde. Moi, c'est ça qui me dérange. Arrêtez de dire que tout est blanc, tout est noir. C'est pas vrai ni dans un sens ni dans l'autre. Non, c'est un fait. C'est un bel amalgame de gris et des fois un petit peu de couleur. On devrait plus jamais enregistrer de bonne heure le matin tant que j'ai pas pris au moins trois cafés. Bon, ben on n'enregistre plus parce que c'est pas mal le meilleur temps pour tout le monde. Mais bon, Marc, on va y aller avec un peu. On a passé tous les deux la fin de semaine au Grand Prix de Formule E. Malgré, bon, on en reparlera peut-être un peu, là, les critiques et tout ça envers le maire. Et le maire que j'ai rencontré, qui est, ma foi, très sympathique, mais... Bon, c'est un politicien, les politiciens sont peut-être capables de jouer des games, mais j'ai beaucoup aimé l'approche de ce gars-là. Il faut que j'avoue, là, je l'ai rencontré, j'ai parlé, j'ai dit bon, félicitations, je suis content d'être ici aujourd'hui, je suis content que ça soit arrivé à Montréal. T'sais, je comprends qu'il y a eu des gens qui n'ont pas aimé ça, être enfermé dans l'espèce de quadrilatère pour la Formule E, j'aurais détesté personnellement. On devrait peut-être attendre, parce que là, on est en train de voler notre punch. OK, on en reparlera plus tard. Mais juste pour dire, j'ai rencontré le maire Coderre, j'ai parlé un petit peu, puis mon fils était à côté, puis il a tout de suite bifurqué vers mon fils, puis il a demandé, puis toi, t'as-tu du fun aujourd'hui, tu sais? Puis c'est vraiment la première fois, j'ai trouvé vraiment ça drôle, que le lendemain, mon gars m'a demandé, ou tout l'avant-midi, il est où le maire Coderre? Je veux une photo avec le maire Coderre. Fait que mon gars, il y a une photo avec le maire Coderre, mais c'est vraiment drôle. C'est la première fois que j'entendais mon gars dire vraiment « Je veux une photo avec cette personne-là. » Mais bon. Fait que, moi, par contre, j'aurais voulu une photo avec Kate Upton, mais bon, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça. Je l'ai même pas vu, moi. Fait que, moi, je l'ai très, très, très, ouais, très, tu très... Ouais, tu l'as même pris une photo avec elle. Ah, t'aurais pu prendre un selfie de côté, au pire, tiens. Elle voulait pas. Elle voulait pas. Ah. Elle voulait pas faire de selfie avant la cérémonie. Je sais, je lui ai demandé. D'ailleurs, une dame fort sympathique. OK. Mais elle a 6 pouces de plus que moi. Oh, bon, c'est pas tellement dur, par exemple. C'est pas tellement grand. Je suis horizontalement différent, mettons. Ouais, c'est, et... Si tu couchais sur le dos, peut-être que t'as dépassé. Mais c'est une belle fille, vraiment. Super sympathique, mais elle voulait pas faire de selfie. Alors, j'ai dû me contenter d'une photo d'un peu loin. Bon. C'est vraiment là. Okay. C'était mon expérience. Et j'ai aussi rencontré José Lito Michaud, mais bon. Ouais, ça, c'est ça autre a chose. Un peu moins d'impact. Ouais, un peu moins de sex appeal. Donc, c'est ça. Marc, on était invité à la Formule E par Jaguar. Faut que je prenne vraiment 2 secondes pour remercier Jaguar, là, parce que tout le monde sait, mon fils a été malade l'année passée, puis ça a passé proche de peut-être qu'il vieillisse pas vraiment vieux. Ça a été vraiment dur. Puis, à un événement de Jaguar, j'avais rencontré la personne qui est en charge des communications du PR chez Jaguar. C'est lui qui nous fournit les voitures de presse et tout ça. C'est lui qui est en charge de ça. Puis, on avait jasé, puis c'était tombé sur le côté de la famille, puis j'avais expliqué mon fils, puis tout ça. Et puis, je me suis ramassé avec une surprise dans ma boîte de courriel l'autre jour en disant « Bon, ben j'ai des passes pour ton fils aussi. » Fait que mon fils a pu venir passer le week-end au complet avec papa à la Formule 1. Il a trippé, il a mangé comme un cochon. ça a été vraiment un beau week-end. Et puis samedi, je dois avouer, dimanche, je dois avouer, Marc, t'es pas venu. Et puis ils ont permis qu'on puisse utiliser ta passe. Donc ma conjointe aussi est venue. Donc dimanche, on a passé une journée vraiment en famille. C'était vraiment le top du top là, dans la tente VIP avec alcool et bouffe à profusion. J'ai mangé un peu, j'ai pas bu parce que c'est pas vraiment mon style, mais tu sais, c'était vraiment quelque chose. J'ai vu Jean Alési assis à la table de Renault à un moment donné, puis c'était comme non, pas Jean Alési, Alain Prost. Pourquoi je pense à Jean Alési? Alain Prost assis à la table de Renault. Et puis, ça me rappelait moi. Ma jeunesse. Ouais, j'ai été tenté d'aller le voir juste pour y parler 30 secondes, puis je me suis dit, j'aille ça déranger le monde, fait que je suis pas allé. Moi, c'est parce que je suis plus subtil que ça. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est que Alain Prost était à la table de Renault, donc assis avec les gens de Nissan Canada qui étaient là aussi. Dont Johnny Paiva et autres. Johnny Paiva qui est le président et Didier Marceau qui est responsable des communications. Ouais. Alors moi, je suis allé saluer Johnny et Didier. Et j'ai profité de l'occasion pour saluer Alain Prost, qui était à la même table, évidemment. Qui a l'air très sympathique. Bah, oui, ben c'est peut-être pas la première fois que je le rencontrais, pour être franc. Okay. Moi, je l'avais rencontré où la première fois, ça ne me rajeunit pas, c'est à l'époque où il y avait une course sur glace à Sherbrooke. OK, OK. Wow. Alors, c'est dans ce temps-là. C'est vrai que ça ne te rajeunit pas. Mais non, c'est ça. Puis Alain Prost qui fait partie... Il semble que mon système a de la misère à matin. J'entends des toutes sortes de niaiseries. Ça griche, hein? Mais il fait partie de l'équipe Renault. Renault en Formule E, là, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il était là. Son fils court pour la... et pilote pour l'équipe Renault. Donc, ça n'a pas tellement été bien pour lui pour le week-end, là, mais bon, on va voir. Ça n'a pas été tellement bien pour l'équipe Jaguar non plus. On a fini un peu loin. Mais bon, c'est quand même pas si pire. Là. C'est la première saison, hein, donc on ne peut pas leur en demander trop. Aussi, on va revenir sur la Formule 1 un peu plus tard. Marc, j'ai réussi à faire un tour de Théo Taxi. Je sais que toi, ça n'a jamais réussi. Tu as essayé plusieurs fois puis tu n'as jamais réussi ton coup. Il doit y avoir quelque chose dans l'eau ou dans les cartes qui fait qu'ils ne veulent pas que tu l'essayes. Moi, je pense que c'est encore des partisans de la voiture électrique qui m'en veulent. Qui te bloquent ton téléphone. Mais moi, j'ai réussi. Je suis pas paranoïaque, mais ils parlent tout contre moi. Ouais, c'est ça. Jaguar nous avait invité à un restaurant qui s'appelle Dema, qui est dans le Vieux-Montréal, là, qui est sur de la Commune. Si vous aimez la bouffe italienne, là, 777 de la Commune, allez faire un tour là. C'est un des seuls stationnements à Montréal, des restaurants à Montréal où il y a un stationnement. C'est facile de s'y rendre. Puis, on est parti de là pour s'en retourner. On a marché de la place Bonaventure à là, qui est presque 2 km. Mon fils avait mal aux pieds quand on est arrivé. Fait que j'ai dit, OK, pour s'en retourner, on va prendre un taxi. Mais j'ai dit, tant qu'à être là, on va essayer de faire du taxi avec Théo. J'ai installé l'application. J'ai rentré une carte de crédit dans l'application pour pouvoir payer. J'ai appelé le taxi. 5 minutes plus tard, le taxi était à la porte. Et puis tout le long, tu peux suivre le trajet du taxi sur ton téléphone pour voir où il est rendu. Ça te dit quand ton taxi est arrivé. T'embarques dans le taxi, il t'amène à ta destination. Tu payes automatiquement avec l'application. Le pourboire est inclus, t'as pas à te casser la tête. J'ai trouvé que c'était une merveilleuse expérience. Ça a super bien été. Sauf le GPS de la Kia Soul EV qu'on avait pour se rendre à Place Bonaventure, le faisait passer par toutes sortes de chemins un peu bizarres. Moi, j'ai dit, garde, continue tout droit, tourne sur la gauchetière, puis on est rendu. Fait que ça a été plus vite par mon chemin que le chemin du GPS. Mais chauffeur... Oui, mais ça a été moins payant pour le chauffeur de taxi. Oui, mais ça, il dit, je peux suivre le chemin du GPS ou avez-vous un chemin plus court que vous préférez? J'ai dit, passe par là. Super sympathique, le gars, gentil, on a jasé, puis les chauffeurs de Théo Taxi ont l'air à adorer travailler pour Théo, parce que les conditions sont bonnes, sont à salaire, ils ont pas à... Tu sais, un chauffeur de taxi, ça travaille fort, là. On a beau chialer, là, parce que la plupart, il y a une majorité qui chauffe comme des imbéciles, là, mais ça travaille fort, faut que ça se paye, cette voiture-là, ça coûte cher, fait que... T'sais, on essaie de se dépêcher, mais Théo, c'est un environnement un peu différent. Mais en tout cas, j'ai adoré, ça fonctionne super bien. Si vous allez à Montréal, essayez-le, vous installez l'application sur votre téléphone, vous rentrez un mode de paiement, puis le reste, ça se fait presque tout automatiquement. Là, vous avez même le CV de votre chauffeur qui vient vous chercher, que vous pouvez voir, vous pouvez toucher sa photo, vous voyez c'est qui, puis vous voyez aussi une petite biographie de ce qu'il aime, ce qu'il fait dans ses temps libres et tout ça. Là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est cute. Écoute, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas pris Théo Taxi, et bon, ça n'a pas donné, puis ça n'a pas fonctionné. Ce qui me dérange, en fait, c'est pas l'idée de ne pas avoir... C'est qu'ils se soient présentés un peu comme les sauveurs du monde. Oui, oui, oui. Ça me dérange un peu. Mais tout l'environnement, il faut admettre que c'est effectivement une belle expérience. C'est vraiment... tout le monde qui en parle n'en parle que de façon très positive. Alors, Je pense que c'est une bonne chose. Et un jour, j'espère que je prendrai. Quoique, pour être franc avec toi, les taxis, j'en prends pas si souvent. Ouais. Et j'ai pris le métro en fin de semaine pour aller au circuit de Formule 1. On va en parler tantôt, mais ça faisait. Écoute, Une éternité. j'ai pris plus souvent le métro à New York que j'ai pris celui de Montréal. Fait que c'était pour moi plus stressant, je pense, de prendre le métro que d'y aller là. C'est bon. Enfin, voilà. Donc, Marc, on a dépassé un peu notre temps. On va prendre une petite pause, puis on va revenir avec des entrevues que j'ai faites pendant le week-end de la Formule 1. On en a un avec une des personnes qui est en charge du projet I-PACE chez Jaguar Canada. Puis j'ai aussi une entrevue avec les deux pilotes de Jaguar pour la Formule 1. Alors, nous sommes de retour et pour ce deuxième bloc, on va y aller avec des entrevues. La première est avec Alain Lénard, qui est chef de produit ou spécialiste de produit pour le nouveau I-PACE. Alors, on est avec Alain Lénard de chez Jaguar Canada. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre du temps pour nous parler un petit peu. Mon plaisir. Vous êtes chargé de produit, vous êtes le spécialiste pour le nouveau I-PACE. Oui, je suis gérant de produits véhicules électriques et de Berlin. OK. Donc, le I-PACE, c'est un nouveau produit qui s'en vient l'année prochaine. Oui. Ça va être quoi? Juste à quoi les gens peuvent s'attendre? Les gens peuvent s'attendre à un VUS de performance. Nous connaissons tous vraiment Jaguar, c'est une marque de performance. Il y a toujours un beau dessin aussi. Alors, on peut s'attendre à 400 chevaux, 0 à 100 km/h en environ 4 secondes et une autonomie de au-dessus de 380 km. Ça commence à être intéressant. Exactement. Nos recherches nous ont montré que la majorité des gens, ils conduisent environ, disons, 80 à 130 km par jour. Alors, avec l'autonomie du I-PACE, ils vont se promener, ils vont faire leur jour à jour. Là. Ils vont retourner à la maison, ils vont le brancher, disons, ça va charger environ 3 heures. C'est vraiment, disons, comme votre téléphone portable. Il n'y a personne qui attend que la batterie ça met à zéro pour la charger. Ouais. Alors, l'autonomie, elle est là. Puis, on s'attend à quoi comme recharge? Ça va être rechargeable sur le 240 volts. 240 volts. Est-ce qu'on a un chargeur rapide? Chargeur rapide DC, 50 kW. Ça va charger en 90 minutes de 0 à 80%. Puis, ça va être quel type de chargeur? Est-ce qu'on parle du CHAdeMO ou on parle du... SI. Le combo. Oui, exactement. Le type combo. Donc, la même chose qu'on retrouve sur d'autres produits. D'autres produits dans le marché, oui. OK. Puis, on s'attend à quelle grosseur de véhicule ça va être à peu près? L'empattement, c'est vraiment... C'est un peu plus petit que le F-Pace, mais le volume intérieur, c'est équivalent à F-Pace. OK, donc intermédiaire à peu près. Exactement, là. VUS intermédiaire. Puis on peut s'attendre à ce que ça arrive sur le marché canadien à peu près quand? La deuxième moitié de 2018. Fait que c'est quand même assez... Oui, ça vient, c'est rapide, oui. Est-ce que ça va être disponible dans tous les concessionnaires, j'imagine? Tous les concessionnaires au Canada, oui. C'est super. Merci beaucoup. Mon plaisir, merci bien, beaucoup. Bien d'avoir ce véhicule-là sur les routes. Nous autres ça aussi. Ça semble bien intéressant. Nous sommes très excités. J'imagine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bon week-end. Comme deuxième entrevue, j'ai eu la chance de m'asseoir en compagnie de d'autres journalistes là, avec Mitch Evans et Adam Carroll, qui sont les deux pilotes de l'écurie Jaguar pour la Formule E. Donc, les questions ont été posées en anglais parce que les pilotes sont anglais. Il y a quatre questions qui ont été posées par d'autres journalistes. Je vais vous les mentionner avant de mettre la réponse des pilotes. Comme de raison, la réponse est en anglais. J'espère que vous allez bien comprendre quand même. Le son n'est pas super bon, mais on est capable quand même de bien entendre là, ce que les pilotes répondent. La première question qui leur a été posée, c'est certaines personnes disent que la Formule E est moins intéressante car les voitures sont moins rapides que celles de la Formule 1. Donc, c'est quoi votre opinion sur ce sujet? All the cars, every other championship in the world is slower than Formula 1, so speed is not the main factor for Formula E. And the tracks that we race on are perfect for our cars, and the cars are very, very fast and challenging for the tracks we race on. Hong Kong, New York, Hong Kong as well was 1.9 kilometers and 10, 12 turns. So you're very, very busy behind the wheel, and also the walls are right there. So they're very challenging cars to drive. So and the perception of speed is there in the car. So of course someday it'll be as fast or maybe never, I don't know. That's not really the whole point. Of course, but I think the racing is fantastic. And you know, if you look at the race from last weekend, it was really good to watch. We don't have as much downforce as Formula One, so it means we actually can follow each other very, very close. We're not affected at all by downforce. And the main thing for the, you know, for the manufacturers, for Jaguar, is the powertrain and the technology that's involved. Yeah, it's completely different. It's, I know a lot of people compare, but you can't, to be honest. Both championships are trying to achieve different things. You know, Formula One's trying to achieve to be the fastest cars in the world through aerodynamics, etc., etc. Their whole powertrain's obviously a lot different. And we're obviously trying to achieve a completely different sort of thing. So, yeah, I know a lot of people compare, but it is... that much different is my point. And you know, the beauty about Formula E is that we get to race on these really iconic cities. Yeah. And you know, through the streets, you know, we don't race on permanent circuits. Yeah, so I guess it's different to be racing in Formula E just made history and these 2 weekends. You know, Formula One has tried for 60 years to get a race downtown in New York. Yeah. And they never have been able to. So and I think also, you know, here, look, we are racing in the city. We're not racing on the permanent track. We bring the racing to the people, and we have new fans and new you know, always new fans. And the automotive industry is going to change more in the next 5 years than it has in the last 20, maybe 5 to 10 years. And as you can see, everything is going electric. So it's a big trend right now. This is the future, right? Yeah. Now. La deuxième question qui a été posée au pilote Jaguar, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour la Formule 1 et la Formule E vont devenir tellement proches l'une de l'autre, donc il va tellement avoir peu de différence, que les deux vont presque devenir totalement électriques, que ça va devenir une seule série de courses? Now stay separate for as long as possible. Obviously, they're owned by the same company as well, so it's too hard to predict what's going to happen in the future, but I think the future is very, very bright for Formula E. Obviously, I think a lot of people have probably lost interest in Formula One for different reasons over the last probably 10 years. But whether it will combine or just stay separate, no one really knows, but I think they'll try and stay separate for as long as possible. Comme troisième question, ce qui leur a été posé, c'est certaines personnes rient du fait qu'ils doivent changer de voiture à la mi-course. Est-ce qu'ils croient que, rendu à la saison 5, ça ne soit plus quelque chose qui va devoir être fait, ça va être une voiture pour toute la course. Est-ce que ça va redorer un peu l'image de la Formule E? This is the third season of Formula E, so what it's achieved is incredible. You know, the first season it was a one-mech championship. Everybody had exactly the same, and then since season 2 and season 3 the powertrains are open, so the manufacturers build their own powertrain inverter, which are very, very complex. So the rest of the car is still the same, you know, it's still the one-mech battery for everybody, chassis. So you know, the good thing about it is they control the costs, the roadmap is very clear, you know, the manufacturers, it still represents really good value, and it is the future technology now. So look, Formula One has been here for 60 years, and look at how it's changed. So I think in my lifetime anyway, I've never seen a championship come along like Formula E that has grown so quickly. So that's exciting, basically, it's to be part really of this exciting. At the stage. So yes, the cars are, we have to change car, but it's a Formula car. You can't put, you know, 1 ton, 1,000 kilos of batteries in it, because you don't have the roof. But this is just part of the technology that will come with it. You know, in 5 years' time, it could be incredible where the cars will be. Et comme quatrième et dernière question qui a été posée par les autres journalistes, il a été demandé, Porsche et Mercedes-Benz ont annoncé leur arrivée en Formula E dans les prochaines années. Est-ce que c'est excitant pour eux ou s'ils prennent ça comme un nouveau problème là, de voir des nouvelles écuries arriver avec des technologies peut-être un peu plus avancées que ce que même eux ont accès dans leur voiture? Non, je pense que pour le whole championship, including Jaguar as a brand, it's great to have those companies in the championship. It adds so much credibility to the championship. Yeah, and also, yeah, Jaguar was the first premium brand into the championship, which I think we're all very proud of. But I think with these big companies coming in, which would be the first time ever that, you know, the likes of Jaguar, BMW, Porsche, Audi, Mercedes would go up against each other. So this is, you know, this is going to be amazing. But it just makes you realize how important this championship is and how seriously these companies are taking it. And people maybe not taking it so much seriously, you know, when it first started off, but now I'm starting to realize how useful it is, the championship, especially as a testing bed. Jaguar was using it as a testing bed to develop and innovate for their automotive cars, you know, their road cars. So that's very, very important. And I guess everyone, all those other manufacturers see that value in the championship as well. So. Ensuite, j'ai eu la chance de poser moi-même deux questions à Adam Carroll et Mitch Evans. Vous allez les entendre, là. Je vais vous laisser les questions comme je les ai posées aux pilotes, mais je vais vous les traduire un peu en premier. La première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui vous a fait choisir la Formule E? Vous aviez peut-être d'autres championnats que vous auriez pu aller faire la course dedans, que vous auriez pu piloter pour, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir la Formule E? Ça, c'est ma première question. On tombe aussi un peu dans la technicalité de piloter la voiture, qui est une voiture électrique, donc régénération d'énergie et gestion de l'énergie, ce qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire sur une voiture à essence. Puis après ça, je leur ai demandé aussi qu'est-ce qu'ils pensent de la piste qu'on leur a construit à Montréal, parce qu'il y avait eu la chance, je n'étais pas au courant, mais il y avait eu la chance de conduire sur la piste le vendredi, et puis ils donnent un peu leurs états d'âme, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette piste-là. You guys are obviously very talented drivers, because if not, you would be here. Oh, thanks. Well, I can drive these cars. What made you choose Formula E over maybe something else you had in front of you? What was the spark to keep the electric thing going that made you choose Formula E? Look, you grow up watching Formula One and growing up watching everything else, and you know, you never thought you were going to end up racing electric cars. It's not something that you really thought about as a young guy or a racing driver, but this is a professional championship. You know, once you go through the ladder of learning, like Formula 3 and GP3 and GP2, you know, if you don't go to Formula 1, because there's only a couple of guys make Formula 1, you know, as a professional racing driver, there's only a couple of championships in the world that you can actually be paid and be a real racing driver, you know, and this is one of them. So there's maybe two championships, Formula E and another championship, DTM, are the only two championships in the world that are fully paid racing drivers on the grid. You know, Formula 1, everything else, the guys bring the budgets to drive the cars. It's crazy. So, of course, we want to be part of this. You know, you want to be part of the manufacturers and part of the you know, the professional series. So, it just happens to be electric, and that makes it even more exciting. And if it wasn't electric, it wouldn't be what it is now. So, you know, it's quite amazing, really, to be part of it and see what it has become. So, yeah, for us, it's, you just want to be part of the most professional, best championship you can be in. Same, is it the same type of thing for you? Pretty much, yeah. We all had the dream of getting to Formula 1, but it's very hard to get into, right? Yeah, it's so political. It's not really run correctly, to be honest. And if you don't have any massive funding behind you, it's a waste of time. So obviously, naturally, look at the next best options and or things that are cheaper. And with the beauty about Formula is that they take drivers on merit. You know, all the teams are well-funded, and you know, all the drivers basically get evaluated, and the teams can choose who they want in the cars. That doesn't really happen for one. And then everyone that gets an opportunity goes up against the best, and then whoever they think is the best or the right fit for their team gets chosen, and that's what happened with us, and that's obviously very rewarding. Quite refreshing as well in the world of motorsport. Yeah. It's quite unique. It's very, very different, and it's kind of making history also, right? Because it's new. People were at first when it started, people weren't confident it would even have a second season. Yes. And now you see big companies like Porsche and other companies are interested into getting into that sport. So I guess for you guys, which are here now, you're kind of pioneers, right? Absolutely, but it's very unique. It's a very unique championship. The technology that's involved also brings a lot of challenges from driving these cars, and on our side, and even for the engineers, they're very complex, and there's a lot more to understand and deal with than a normal car, even a Formula One car, you know, and this is what people don't realize this. So, you know, for Mitch is only 23. Yeah, so he's only just turned 23. So, like, work in 10 years' time, it'll be amazing to see where Formula is. It'll be unbelievable. And I guess the cars are, you drive the cars differently, because you have to think about regen, which a regular car doesn't have to think about regen or anything like that. You guys have to manage the race a bit more than a F1 driver would do, or even any other racing league would do, right? Yeah, because all that stuff is manually sort of changeable, where in F1 all their regen is done basically automatically. So this is quite a tricky thing to get right. Yeah, it's very, very sensitive to a number of different reasons. Most of your confidence, when you're on the car, is coming from the brakes, and this is mainly down to the regen, having this under control in the right window. And obviously in the races, all the energy saving is a bit of a fine art to get right. It's not easy. Like in F1, again, it's all automatic for the driver to do fuel saving. For us, it's all manual. So we're pretty busy around the wheel to try and get to the end of the race, basically. Have you had time to go around the track today? Did you see what the track's going to look like? Does it look interesting? Yeah. You drove today. How does it feel? Is it good? Really good. It's going to be a nice race tomorrow? It's going to be a good track. It's going to be very good to drive. Some challenging parts. So I think when people start to push, there could be a couple of big shots tomorrow. Can't wait to see you guys on the track. And thank you. Thank you for the interview. Okay, all right. Good to see you. Alors, c'est tout pour le bloc entrevue. Désolé, là, à la fin, Adam Carroll parlait puis il tapait un peu sur la table. Mon micro était déposé sur la table, ça donne des bruits un peu désagréables. Mais deux gars extrêmement sympathiques, vraiment, vraiment très gentils. J'ai eu beaucoup de plaisir à leur parler. Donc, nous, on va faire une petite pause puis on va revenir tout de suite avec Marc où on va vous parler de notre week-end puis notre expérience à la Formule E. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de parler un peu de Formule E, l'événement en tant que tel. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était... C'est pas... Si j'avais été là avec mon fils, puis c'était de la Formule 1, il aurait fallu que j'y mette des bouchons parce que c'est très, très bruyant. C'est un peu différent, la Formule 1. Beaucoup moins bruyant, pas moins intéressant. Comment t'as apprécié l'événement en tant que tel, toi? Bon, écoute, il y a plusieurs éléments. Il faut diviser ça en plusieurs éléments. Ouais. Du point de vue de la course, du point de vue sportif, ouais. OK? Ça a été de très belles courses. Ouais. Sérieusement. Et là, ceux qui disent, ouais, mais ils roulent juste 220, c'est pas vite, ils ont l'air arrêtés. Mais chialez pas, parce que quand vous êtes dans les strades, vous les voyez juste plus longtemps. Ouais, puis de toute façon, il y a plein de séries de courses qui sont. Ah ouais, tu sais, tout le monde compare ça à la F1, mais à part la F1, il n'y a rien d'aussi rapide que la F1. La F1, c'est la série de courses la plus rapide. Tout le reste est en bas de ça. Ouais, mais anyway, tu sais. À un moment donné. Mais c'est pas ça. Non. Qui fait que, de toute façon, c'est vraiment pas ça qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la bataille. Ouais. Et dans la première course, de voir un gars comme Sébastien Buemi, parti 17e, qui était meneur au championnat à ce moment-là, bon, il a perdu pour différentes raisons, mais qui était meneur au championnat, partir de la 17e place pour aller en 4e position, c'est quelque chose. Le gars, il a fait des dépassements spectaculaires, il a eu des gestes spectaculaires. Honnêtement, là, c'était une course enlevante. Ouais. C'était vraiment une course. Fait que du point de vue sportif, on va régler la chose tout de suite. C'est vraiment trippant. Oh oui, c'est viable comme série de courses, comme spectacle, comme événement sportif. C'est viable. Là. C'est vraiment intéressant. Là. Puis oui, tu disais, c'est des. Les pilotes veulent. Les pilotes sont compétitifs. Là. Puis, ouais, puis d'un virage, moi, ça jouait serré par bout. Là. Moi, me faire dire, oui, mais il n'y a pas de champion, d'ancien champion du monde de Formule 1. Vous avez bien raison. Mais la majorité des gens qui sont là ont déjà couru en Formule 1. Les Nick Heidfeld, Luca Di Grassi, Sébastien Buemi. Jean-Éric Vergne. Comment est-ce qu'il s'appelle? Piquet Junior. Mm-hmm. Sont tous là. On va arrêter, là. Ils sont tous là. Et tu as Prost Junior qui est là aussi. Fait que, tu sais, on n'est quand même pas là. Je veux dire, c'est pas un petit gars qui conduit un bicycle à trois roues qui a sauté d'une formule tout à coup. Là. Non. T'sais, on s'entend. Et là, on parle que Patrick Carpentier pourrait faire des essais l'an prochain. Donc, encore une fois, ça pourrait être bien intéressant. Ça, c'est pour l'aspect sportif. Ouais. L'aspect technologique m'a aussi énormément impressionné. Ouais. Vraiment. Ouais, ouais. Parce, deux choses. La première chose, on va en parler, parce qu'on va parler de Jaguar après. Là. La première chose, moi, c'est les pneus. C'est Michelin. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pascal Coignon. En tout cas, c'est le responsable là, de la division Motorsport chez Michelin. Et Michelin est le fournisseur de pneus pour l'ensemble de la série. Ouais. Sauf que, honnêtement, tu sais, on est habitué en Formule 1, il y a 3-4 sortes de pneus. Ouais, pluie, sec, c'est ça. C'est ça, les pneus, on change de pneus. Chaque circuit a sa propre gomme. Ouais. Tu sais, selon l'adhérence et tout. Fait que tu sais, t'es habitué que les pneus en formule, c'est de la technologie, mais c'est de la technologie qui sert à rien parce que, entre toi et moi, là, ce qui sert à Silverstone ne servira pas à Montréal, puis ce qui sert à Montréal ne servira pas au Brésil. Fait que, il n'y a pas de tendance particulière. Mm-hmm. En Formule E, c'est pas comme ça. Non. C'est un pneu pour la course, ouais. Qui pleuve ou qui pleuve pas. Donc, il n'y a pas des pneus slick. Là. Non, on parle vraiment de pneus avec des dessins sur la semelle. C'est des pneus de route. Là. C'est des pneus de route. Ben, presque. Là. Oh, ouais. C'est des pneus qui ont, en fait, ils ont exactement le même dessin de semelle que les pilotes 4 sports que j'étais allé essayer un peu plus tôt cette année. Mm-hmm. C'est exactement le même dessin de semelle. Évidemment, les composés caoutchouteux sont différents. Oui, oui. C'est de bonne guerre aussi. Parce que, ce que je ne savais pas, les pneus comptent pour 25 % des dépenses d'énergie. OK. Oui, oui. Ben oui. La résistance. Oui, mais c'est 25 % là. Mm-hmm. Pense-y, là. Non, ouais, c'est énorme. C'est beaucoup. Alors, évidemment, plus on a de dépenses d'énergie provoquées par les pneus, plus c'est difficile de se lancer sur la route puis d'essayer de garder l'énergie pour le reste de la course. Donc, Michelin a à travailler là-dessus, a à faire des pneus qui ne sont pas trop pesants non plus, parce qu'évidemment, il y a une limite de poids. Donc, c'est vraiment une technologie assez spectaculaire qui est développée par Michelin pour s'assurer qu'on a le maximum d'adhérence avec le minimum de friction et de résistance. Ouais. Alors ça, et la particularité, c'est qu'évidemment, ces éléments-là qui vont se retrouver sur les pneus de route qui vont normalement aider à améliorer la résistance et l'usage de nos pneus. Ouais. C'est une belle vitrine technologique pour toutes sortes de choses. Je veux dire, c'est... Ouais, mais là, je parle vraiment strictement des pneus parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens. Ouais. Mais là, tu parles de la suite. Et là, on est allé visiter ensemble le garage de Jaguar. Mm-hmm. Et là, encore une fois, moi, ça m'a passablement impressionné. Oui, de voir la grosseur des batteries. Tu sais, c'est drôle parce que je comparais un peu, je disais à ma femme, tu sais, dans les nouvelles voitures, les voitures qui sortent, comme la Bolt, on a une batterie de 50 kW. Ouais. Mais on tombe dans ces voitures-là, on tombe dans des batteries qui peuvent fournir 200 kW à leur maximum. Fait ouais, mais elles pèsent aussi 200 kg. Oui, oui, elles pèsent beaucoup plus, mais tu peux voir que les batteries sont beaucoup plus grosses. Et puis, tu dis, ah, mais les pneus durent toute une course, mais il y a deux voitures. Donc, les pneus font la moitié de la course et les batteries aussi, là. Mais, oui, mais ils font aussi les qualifs. Oui, oui, ils font aussi les qualifs. Ouais. Fait que, donc, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, mais tu sais, changer de voiture à mi-course, ça fait un peu nono. Ben, moi, je trouve que ça rajoute un défi de plus. Là. Faut que tu changes de voiture. Faut pas que tu t'enfarges entre les deux. Faut que moi, je t'avoue que c'est la partie qui me dérange le plus, honnêtement. Ouais, je trouve ça drôle. Ça fait différent, là, c'est sûr. Que c'est dans deux ans, c'est fini, en passant. Ouais, dans deux ans, c'est fini à la saison 5, qu'ils disent. Il y a aussi des nouvelles écuries qui vont arriver. Mais, tu sais, pour revenir au garage de Jaguar, oui, c'est super intéressant. Tu vois la passion des gens qui sont dans cette écurie-là aussi. Puis je suis sûr que c'est pareil dans les autres écuries. Mais la dame qui nous a fait l'espèce de cours sur comment ça fonctionne, puis les batteries, puis la régénération et tout ça, tu vois qu'elle aime ça, là, elle en mange. Puis... Ouais, ça fait 20 ans, elle. Hein? Ouais. C'est une dame, moi, que j'avais rencontrée ailleurs dans un autre plateau de sport. Ça fait 20 ans qu'elle est dans le monde du sport automobile. Ouais. Fait que assez de quoi elle parle. Et la particularité, tu sais, on dit souvent que la Formule 1, ce n'est plus un laboratoire pour les véhicules de route, puis c'est vrai, là, parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité quand on pense à ça. Ouais. Chez Jaguar, on se sert énormément de la Formule E pour développer les futures voitures électriques, dont le fameux I-Pace dont on vient de nous parler, là. Mm-hmm. Parce que, en fait, la nuance, c'est évidemment pas la batterie, parce qu'on parle pas de la même affaire. C'est évidemment pas les composés mécaniques, parce qu'on parle pas de la même affaire. Mais toute la gestion logicielle de la puissance, ouais. La façon de gérer ça dans les voitures de FE, le logiciel va être exactement le même, évidemment adapté pour en conséquence, pour les voitures de route. Oui, exactement. Fait qu'on peut, on apprend, tu sais... On s'entend, si tu es capable de gérer la puissance d'une batterie de Formule E, tu es capable de gérer la puissance et la régénération d'une voiture de route. Et puis, tu sais, la chaleur de la batterie aussi, ils disent le plus gros problème de courir en Formule E, c'est de gérer la chaleur des batteries. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais quand ils ramenaient les voitures au puits, ils refroidissaient les batteries avec de la glace sèche. Oui, pas le choix. ça te faisait une colonne de fumée, là, c'était assez intéressant, là. Mais tu sais, c'est ça. Puis faut parler de Buemi qui a totalement détruit sa voiture en qualification le samedi matin. Puis son équipe qui a réussi à y remonter la voiture en dedans des 5 heures qu'il y avait pour qu'il puisse aller refaire la course. Bon, ils ont bien une affaire, c'est de peser la voiture. Ouais, c'est ça. Il a été disqualifié à cause du poids, mais n'empêche qu'effectivement, sa voiture était aussi performante que l'autre. Moi, ça m'épate, là. Vraiment, ça m'a jeté à terre, cette affaire-là. Ouais. Puis, tu sais, de voir les puits, les équipes qui travaillent et tout ça. Même, j'ai pris une photo, à un moment donné, on a eu l'occasion de visiter les puits à quelques fois, puis j'ai pogné Nick Heidfeld en train de dormir dans son auto, à un moment donné. Il faisait un petit somme assis dans son cockpit. J'ai dit, OK, c'est une place comme une autre, là. Mais c'est ça. Mais, tu sais, c'est une course qui est accessible. C'est une course où les pilotes sont plus proches de leur public que la Formule 1. Puis, tu parles même aux pilotes de Formule 1, puis tu dis, tu sais, la Formule 1, c'est plus accessible. C'est très difficile de rentrer là comme pilote. Puis c'est même peu accessible pour le public parce que c'est tellement, ça va tout bien changer. Vu que Bernie est parti, puis Bernie était un incroyable... c'est pas vraiment radio, là, mais c'était un gars qui était très, très fermé, puis lui, l'important, c'était qu'il devienne riche, pas nécessairement que la Formule 1 fonctionne bien, là, rendu à un certain point. Un peu dictatorial, mettons. Ouais, mettons. Mais là, ça a changé, c'est des Américains qui ont acheté ça. Bon, je dis pas que les Américains sont nécessairement mieux tout le temps, mais ils vont peut-être vouloir se rapprocher un peu de leur public, parce que c'est important dans ce genre d'événements-là d'être proche de ton public, puis... Les gens avaient accès aux pilotes. Oui, il y avait un endroit juste pour les médias où ça te prenait une carte média pour rentrer. Et c'est un peu à cause de ça que j'ai pas réussi à avoir plus d'entrevues que ça parce que ben, mon fils était avec moi. Puis quand je suis arrivé pour rentrer dans le centre média, ben, ils ont dit ben c'est parce que lui, il peut pas rentrer. Ben là, j'étais pas pour demander à Nick Heidfeld si ça tentait de garder mon gars ou Mike Adair si ça tentait de garder mon gars pendant les 20 minutes que je vais aller faire des entrevues. D'après moi, il aurait dit oui, mais en tout cas. Ouais, mais je fais que je suis pas allé. Le mercadeur aurait peut-être dit oui. Mais, tu sais, fait que je suis pas allé. Mais, tu sais, pendant les entrevues et tout ça, c'était dehors. Il y avait ce qu'ils appelaient le media pen. Puis ça, c'était à l'extérieur. Puis le public avait accès à ça, voir les pilotes de proche et tout ça. Puis, tu sais, tu pouvais aller voir les puits, voir les voitures, prendre des photos. Puis c'était pas juste le jeudi avant la course, c'était entre les courses. C'est beaucoup plus proche de leur public. Puis je pense que les pilotes aiment ça et le public aime ça. Fait que par-dessus le fait que ça a été un pas mal un merdier là, dans les alentours pour les commerçants, pour les gens qui restent là, je comprends ça. Je comprends que vous avez pu être blessé par ça puis que ça a dérangé votre quotidien. Mais par-dessus ça, moi, voir des images... de RDS, c'est quelque chose, mais voir des images de la télévision officielle de la Formule E qui était en anglais à l'intérieur de la tente qui disait voici de superbes images de Montréal. Puis on voyait la ronde, puis on voyait le pont, puis on voyait le circuit Gilles Villeneuve quand même, on voyait le fleuve, on voyait des belles images du centre-ville, des églises, des gratte-ciels. J'ai trouvé ça vraiment gratifiant pour la ville. Je sais que ça a été difficile pour les habitants de Montréal, mais ça a quand même fait rayonner Montréal en dehors, puis ça a montré comment que vous avez une belle ville. Je reste pas à Montréal, fait que je dis pas comment on a une belle ville. Comment vous avez une belle ville, Montréal. C'est pas parfait, mais c'est quand même une belle ville. Puis les pilotes ont tous été élogieux envers les gens de Montréal, le public qui était là, le circuit. Même le président de la Formule E a dit que c'était le plus beau circuit puis la meilleure organisation qu'il y avait eu à date en Formule E. Il y a quelque chose là, là. Ouais. Fait que je pense, t'sais, malgré les ratés et les petits problèmes qu'il y a eu, ça a été un bel événement. Là, on a été fin, on a dit beaucoup, beaucoup ce qui avait bien été. Maintenant, on va parler du reste. Okay? Il te reste un petit 2 minutes à peu près. Ouais, ben ça sera pas très long. En fait, un des gros problèmes majeurs, en fait, deux. D'abord, moi, j'ai un doute quant au succès populaire de l'événement. OK? Ouais. Tu l'as vu comme moi. Sur l'heure du midi, tout au long de l'après-midi, les estrades étaient littéralement vides. Pendant les qualifications, là, s'il y avait 500 personnes dans le virage 1, c'était beau, là. Ouais, et étrangement, à 3h30 l'après-midi, ça a commencé à se remplir pour la course à 4h. Je m'excuse, je suis pas convaincu que tout le monde a payé le 80$ nécessaire pour venir voir une course d'une heure. Moi, je pense pas que les gens se sont garochés juste pour ça. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, du genre on a distribué des billets gratis ou on a ouvert les portes au public. Mais honnêtement, j'ai un très, très sérieux doute quant au pourcentage de gens qui ont payé leurs billets. Il n'y en avait pas. Ouais. J'ai fait le tour du circuit, je vais en parler tantôt. Et je peux te dire qu'en plein quart de l'après-midi, là, les estrades étaient littéralement vides. Ouais. Il y avait bien sûr le E-Village. Ouais. Le E-Village où il y avait des simulateurs, on pouvait faire des essais de voitures électriques. Comble de l'ironie, c'est fait pour promouvoir la formule, la conduite de voitures électriques, mais c'est sur le site. Fait qu'il faut que tu payes le 80$ pour aller te faire sensibiliser à l'électrification des véhicules. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Faites ça en dehors du site si vous voulez accueillir plus de monde. À l'entrée du site, peut-être, tu sais, juste avant d'avoir montré tes papiers, tu sais. C'est ça. Ouais. Il y avait une section pour enfants, une espèce de village pour enfants, là. Ouais. J'ai un ami qui m'a dit que ça a l'air d'être d'avoir été retiré de l'ancien parc Belmont. Ben, j'avais dit à quelqu'un, on dirait que ben, c'est une foire de centre d'achat. Hein. C'est exactement la même affaire que tu vois dans certains centres d'achat. C'était les manèges de centre d'achat qu'il y avait là. Mais non, tu peux pas déménager à Ronde pour une fin de semaine, tu sais, quand même. Non, mais tu trouves quelque chose de plus original, là, à la limite. Là. Oh, ouais. En tout cas, bref, ça, c'était très ordinaire. L'affaire la plus ordinaire au monde, c'est le fait que les qualifications, c'est un système qui est plus compliqué. Ouais. C'est 5 voitures à la fois, puis ça dure une heure. Mais après ça, il n'y avait plus rien. Il y a un gros trou. Entre 1h l'après-midi et 4h l'après-midi, il n'y a absolument rien sur le circuit. Ben, il y a 2-3 chars qui passent de temps en temps parce qu'on fait des expériences. Ben, il y a le Robo Race qui rentre dans un... Le Robo Race, ça, c'est la grosse joke. Le Robo Race, là, ce que c'est pour les auditeurs, c'est un véhicule qui est conduit par un pilote qui va faire le mapping de la piste. Et une fois que le mapping est fait, après 4-5 tours, on envoie le véhicule tout seul qui est supposé être autonome. Ouais. Ben, au deuxième virage, il a pogné un mur quand il était seul, puis il n'a jamais été capable de faire le tour en mode autonome. Ouais. Fait qu'on s'est un peu planté là-dessus. À part de ça, le reste, c'est à peu près rien. Donc, c'était vraiment... Puis écoute, le site était loin d'être plein. Le E-Village, il y avait de l'attente. Ouais. Imagine, là. Mm-hmm. On est à même pas 20% au moment où on débute les activités. Puis il y a déjà de l'attente dans le E-Village. Alors, ça va vraiment... Si on veut que ça devienne un événement, et là, je parle d'un événement, bien évidemment, il va falloir améliorer ça. Et dernier point, parce que je ne peux pas ne pas en parler. Deux derniers points. Un, le transport en commun, c'est une tabarouette de bonne idée. J'ai pris le métro à Longueuil, ça m'a coûté 9$ de parking, gratis le métro, ouais. 18 minutes, je t'ai rendu. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Point numéro 2, l'espèce de... Je ne sais pas comment dire. Il y a un restaurant, je donne l'exemple, le restaurant La Mer, qui est situé sur la rue Papineau, au coin René Lévesque, qui est un marché de poissons. Écoute, il était pogné derrière l'estrade numéro 1, ça avait l'air d'un camp de concentration. Oui, il était ouvert au public, mais pauvre monsieur, il a dû vendre 2 poissons dans sa semaine. Oh ouais. C'est complètement ridicule. Alors ça devrait être repensé. En revanche, mais je garde mes commentaires pour tantôt, on va parler du circuit et ça va aller après la pause, mon ami. Super, donc c'est ça, on fait notre petite pause puis on revient tout de suite après. Alors, nous sommes de retour. Marc, t'as quand même eu quelques belles expériences avec une autre, une future écurie. Bien, une écurie qui est déjà là, mais qui s'appelle pas BMW. Ça va changer dans les prochaines années. Mais BMW avait organisé quelque chose pendant le week-end de la Formule E et t'en as fait partie. C'était quoi un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, rapidement, il y a deux choses. Il faut savoir que les constructeurs allemands vont tous être là. On le sait, là, Porsche a annoncé, Mercedes-Benz a annoncé, BMW et Audi sont déjà impliqués et vont avoir des écuries l'an prochain. On parle même de Ferrari qui pourrait arriver en Formule E. Donc, ça devient de plus en plus important pour des entreprises comme celle-là, notamment BMW qui a créé cette année une division qui s'appelle la e-performance. Ouais. Qu'est-ce que c'est la e-performance? En fait, c'est l'ensemble de l'électrification des véhicules de BMW qu'on a réunis sous cette appellation-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est arriver avec des voitures électrifiées, mais quand même capables de procurer le plaisir de conduite que l'on connaît à BMW. Or, pour faire cette promotion-là, la semaine dernière, mercredi, j'ai eu l'occasion d'aller faire le test de quelques voitures électriques ou branchables. Certaines sont bon. J'ai conduit par exemple la BMW 330e. Bon, c'est une série 3 que l'on peut brancher, 23 km d'autonomie, moyenne de 7,8 litres au 100. Une voiture qui est admissible à la moitié du crédit au Québec à cause de la grosseur de ses batteries. Donc, ça, c'est intéressant. Et je suis revenu avec le X5. Le 40E, qui est le gros utilitaire, qui lui a exactement la même motorisation, là, donc branchable aussi et tout. Mais il y a toute une gamme. Et ce que BMW nous disait, c'est qu'au cours des prochaines années, toutes les séries de BMW vont avoir une version électrique. OK. Alors, que ce soit la série, mettons, série 3, série 4, série 5, série 7, série 6, les X1, X3, les Mini aussi, tout ça, ça s'en vient. On est vraiment dans le tournant de ça et on nous promet effectivement l'ensemble de l'électrification dans toutes ces catégories-là. Évidemment, il existe déjà la i8 que l'on connaît, dont je vais parler tantôt parce que je l'ai pas conduite, mais j'ai fait un petit tour. Mm-hmm. Et il y a la i3 qui, elle, on la connaît bien. C'est une voiture 100% électrique qui est disponible aussi avec ce qu'on appelle un range extender, donc un véhicule qui est capable d'avoir une autonomie prolongée avec un moteur à essence. Bon, j'ai vécu mon expérience avec ça pour aller à Ottawa. J'en ai déjà parlé, j'y reviendrai pas. Mais ça n'avait pas été tellement concluant, mais oui. Ça n'avait effectivement pas été tellement concluant. Donc, BMW mise donc beaucoup sur l'électrification et on estime qu'en 2025, à peu près 20% du marché va être électrifié d'une quelconque façon. Il ouais. faut le préciser, là, on ne parle pas de 100% électrique, on parle d'électrifié d'une quelconque façon. Ça, c'est si ça va bien. On ne se cache pas que ça se peut que ça soit bien en bas de ça. Ouais. Alors, tu sais, on n'est pas, chez BMW, on n'est pas fou, là. On ne veut pas se lancer des objectifs qui n'ont pas de bon sens. Alors, on estime que ça va bien aller, mais on n'est pas rendu là encore. OK. On a aussi profité de l'occasion pour nous parler rapidement des voitures autonomes, parce qu'on le sait, BMW travaille fort là-dessus, comme la plupart des constructeurs allemands, comme Tesla, comme plein de monde. Oui. Et Tesla a tendance à essayer de nous faire croire qu'ils sont rendus à un niveau beaucoup plus avancé que les autres au niveau de l'autopilote. Oui. Or, quand on regarde les différentes catégories, lorsqu'on parle de niveau 1 à niveau 5, là, au niveau de l'autonomie des véhicules, mm-hmm. ben, tout le monde est rendu au niveau 2 actuellement. Il n'y a personne qui a officiellement été mandaté comme étant, autorisé comme étant qualifié niveau 3. OK. Niveau 3 qui est la conduite autonome totale. C'est-à-dire, tu pars du point A au point B, tu ne fais rien. Ben presque. Ouais. C'est highly automated. En fait, ce que BMW, la catégorie, c'est pas compliqué, là. Le niveau 0, mm-hmm. c'est les mains sur le volant, les yeux sur la route. Ouais, okay? C'est ça, ouais. Niveau 2, même chose, mais avec un peu d'aide assistée au niveau de la reconnaissance des piétons. Mm-hmm. Le niveau 2, c'est temporairement les mains en dehors du volant et temporairement les yeux en dehors de la route. OK. OK, ce qu'on a actuellement avec l'autopilote et tout ça. Oui, c'est quand tu lâches le volant, la voiture te dit « Hey, les mains sur le volant ». Mais, c'est ça. Mais la après... voiture est capable de se ramener quand même tout seul, oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Après ça, le niveau 3, c'est les mains et les yeux en dehors de la route. Ouais, tu regardes un film en t'en allant au bureau, genre. Non, pas encore. Il faut quand même que tu sois au courant parce que ça se peut que tu sois obligé de prendre la relève. Ouais. Le niveau 4, okay. c'est vraiment ce qu'ils appellent le hands off, mind off. Donc, non seulement les mains off, mais le cerveau, tu n'as même pas besoin d'être là. Donc là, tu n'as aucune intervention du véhicule. Et finalement, le niveau 5, ben, c'est les mains off. Et le conducteur off, c'est-à-dire que la voiture va te reconduire au bureau et elle retourne à la maison sans avoir besoin de toi. Ouais, c'est-à-dire que tu es assis en arrière puis tu laisses l'auto conduire. C'est comme si tu avais un chauffeur, exactement, mais sans chauffeur. Exactement. Alors ça, c'est les différents niveaux. Évidemment, on n'est pas rendu là. Tout le monde est rendu au niveau 2, mais ça s'en vient et on estime que ça va être là. Alors donc, on est vraiment sur une progression chez BMW et c'est pour ça, entre autres, qu'on s'est associé. Écoute, ça va très bien. Là. La i3, c'est dans leur véhicule, les compacts premium, c'est le plus vendu au monde depuis 2014. C'est le véhicule à batterie 100% le plus vendu en Norvège en 2017. Tu sais, là, ça va bien avec la i3, ça va plutôt bien. La i8, à ma grande surprise, la i8 qui est une hybride sport, on est le pays, si j'ai bien compris, là, on est comme au troisième rang des ventes mondiales au Canada. Ben, j'en vois une de temps en temps sur la route, puis il y a un gros BMW sur le bord de la 40, puis à un moment donné, il y en avait deux en stock. C'est ça, mais c'est effectivement, on est donc un pays où ça va très bien. Ouais. Ceci étant dit, rendu là, c'est avec la i8 qui servait de pace car, je te rappelle, pour la course de Formule E. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont appelé le VIP Experience. Et là, on avait l'occasion de se retrouver dans la voiture, comme passager. Et c'était des pilotes professionnels. Moi, j'ai été chanceux, je suis tombé sur Xavier Coupal, le pilote de l'année passée, champion de la Coupe Micra et un gars que je connais bien. Mm-hmm. Et on était là comme passager et ils nous ont fait faire le tour du circuit de Formule E. Je peux te dire que ça prend des parties intimes masculines en acier pour être capable de conduire sur ce circuit-là. Ou des parties féminines en acier aussi, parce qu'il n'y avait, pas Valérie Limoges aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, non, mais je te parlais plus de la Formule 1. Ça prend du guts. Ça prend du guts. Écoute, c'est incroyable. C'est vraiment... D'abord, c'est extrêmement étroit, bien entendu. C'est très spectaculaire de rouler entre les édifices que l'on connaît. Tu sais, tu passes à 104 km/h aux côtés de la tour de Radio-Canada. Là. Ouais. C'est quand même particulier. Ouais. Et rappelez-vous que c'est en ville. Les virages, c'est des 90 degrés. Fait que freinage, virage, c'est assez spectaculaire. Honnêtement, le circuit, il est superbe. Il est très technique. Il y a des lignes droites suffisantes pour être capable de donner des bonnes accélérations. Il y a des virages qui permettent, le virage 1, entre autres, on l'a vu abondamment, mm-hmm, qui permettent des beaux dépassements. Sérieusement, ou des gaffes monumentales. Ou des gaffes monumentales, ça aussi, on l'a vu. Ouais. Un des deux. Hein? Mais c'est honnêtement quelque chose de très beau. C'est un beau et un bon circuit. Les pilotes l'ont beaucoup aimé. Moi, pour y avoir roulé comme passager, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça à cette vitesse-là. Alors honnêtement, ça m'a beaucoup impressionné. Alors oui, le circuit est intéressant. Peut-être moyen de le faire ailleurs, mais celui-là, il était très beau. Alors, c'était mon dernier point positif pour la Formule 1, mon ami. Ouais, puis c'était le consensus des pilotes aussi. Ils ont adoré ce circuit-là. Puis, ils aimeraient que l'année prochaine, ça soit le même circuit. Ça sera peut-être pas possible parce que les nouveaux bureaux de Radio-Canada s'en vont pas mal en plein où ce qu'on était. Oui, ben, effectivement, on aurait été assis probablement au troisième étage. Probablement quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Fait que ça a été un beau week-end. Puis il faut que je remercie Jaguar Canada de m'avoir invité là. J'aurais probablement été quand même parce que ça m'intéressait. Puis même ma conjointe qui a zéro intérêt pour la course automobile a passé un super beau dimanche grâce à toi. Puis elle dit ben l'année prochaine, invité, pas invité, il va falloir qu'on s'achète des billets. Fait que, bon, tu sais, fait que peut-être les gens, oui, on chiale, il y a des gens qui chialent, qu'il y a peut-être beaucoup de billets qui ont été donnés, mais peut-être que ces gens-là, l'année prochaine, vont payer leurs billets pour y aller parce que là, ils ont eu l'expérience de ça peut être quoi et tout ça. Puis je pense que les gens qui étaient sur place ont quand même pas mal apprécié. Donc, c'est pas mal ça. Donc, Marc, si on veut terminer l'émission là-dessus, comment les gens vont faire pour te rejoindre s'ils veulent dire des mots doux ou autres? Ben, en fait, ils peuvent aller sur mon blog, marcbouchard.ca. D'ailleurs, j'ai fait un texte qui s'appelle « Grand prix de Formule 1 à Montréal, meilleur que prévu ». C'est ça qui m'a valu des mots doux et des mots moins doux. Ouais. Pour le reste, évidemment, là-dessus, vous allez trouver toutes mes coordonnées, tant sur les réseaux Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, je vous invite évidemment à nous faire parvenir toutes les informations. Ce que vous pouvez faire aussi à info@saroulradio.com, mm-hmm, une adresse où l'on reçoit, toi et moi, les questions des gens. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. On est heureux de les recevoir et d'y répondre. Oui, si vous voulez nous écouter aussi, ben, vous pouvez aller sur le saroulradio.ca. Vous pouvez aussi radio.ca.com. Je me rappelle, hey, j'ai un blanc matin. En tout cas, vous pouvez aller sur taper Ça roule radio dans Google, ça va vous le donner. Saroule radio.com. Parce que j'ai un CA, j'ai un com à moi. Bon, c'est ça, je me mélange. Donc saroule radio.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook Ça roule radio, Twitter Ça roule radio, sur iTunes et Google Play, cherchez Ça roule radio, on est disponible là. Et vous pouvez aussi nous écouter sur deux radios web qui est soit Radio H2O ou sportradio.ca. On est aussi disponible sur RZO et Balado Québec. Donc, on est disponible à plusieurs places. Donc, si vous nous cherchez un peu, vous allez nous trouver. Donc, là-dessus, Marc, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette autre émission avec moi. Et puis, la semaine prochaine, on va avoir une émission un petit peu plus régulière. Là, on va avoir des essais et tout ça. Et on va peut-être avoir Martin Archambault qui va venir nous parler de voitures électriques. Je vais essayer de m'arranger pour qu'il vienne faire un petit tour. Donc là-dessus, bon week-end à tous. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.